بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين، وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، on continue بإذن الله le cours relatif au fiqh et à l'explication du livre منهج السالكين للإمام العلامة السعدي رحمه الله تعالى. Donc nous continuons avec l'introduction inshallah تعالى. Avant ceci, on va revoir très brièvement ce qu'on avait mentionné dans la première partie d'introduction, dans laquelle le Cheikh explique qu'il a résumé dans ce livre le fiqh de façon brève, de façon résumée. Na'am. Et il a mentionné également que le ilm, qu'est-ce que voulait dire le ilm, on a dit, ou le shir a dit, Naam, ma'rifatul haqq bidalilihi, c'est-à-dire la connaissance de la vérité avec ses preuves ou sa preuve. Et ensuite, il avait donné la définition du fiqh, il avait dit, sans regarder, c'est mieux. Et on avait rajouté quelque chose d'autre à ça, à comme preuve. On ne va pas détailler, mais c'est ce qu'on avait vu. On avait terminé par Al-Ahkam Al-Khams. Quels sont les Al-Ahkam Al-Khams? Al-Wajib, Al-Masnoun, Al-Makruh. Quatre, al-haram, al-muharram, al-muharram. Très bien, revenez au cours précédent pour les définitions de chacune ou chacun de ces règles ou de ces jugements, pardon. Ensuite, il continue le shir et il dit faslun. Est-ce que dans ta version, il y a marqué Kitab al-Tahara, c'est marqué. Non, Kitab al-Tahara. Parce que, comme vous le savez, le livre est publié en plusieurs maisons d'édition. D'accord. Et il y a des divergences entre les maisons d'édition, en arabe. Et dans beaucoup d'entre elles, ça commence par Kitab al-Tahara. Et ensuite, Faslun, non? Il n'y a pas marqué Faslun. Taïb. Al-Muhim. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له. Donc ici, l'imam mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit l'islam a été bâti ou construit sur cinq. L'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, faire le hajj à la maison, yani à la Kaaba, et jeûner le mois de Ramadan. Et le hadith est muttafaqun alayhi, c'est-à-dire rapporté par Bukhari ou Muslim. Et ensuite, il mentionne que l'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée excepté Allah, c'est la connaissance du serviteur et sa croyance et le fait de s'y attacher. De quoi ? Le fait qu'il n'y a rien qui mérite la divinité, hein, et l'adoration, excepté Allah seul, sans rien lui associer. On va expliquer ce passage, Inch'Allah, hein, en traduisant l'explication de notre Cheikh Arafat Al-Muhammadi, hafidhahullah ta'ala. كلما يكتب أو يكتب في الفقه يبدأ بهذه المقدمة لأن فيها التوحيد وإشارة إلى التوحيد الألوهية الذي جاءت الأنبياء والرسل بأجله. À chaque fois que il est écrit ou qu'on écrit dans le fiqh, on commence avec ce genre d'introduction. Ça, c'est connu. Ceux qui ont étudié un peu les livres de fiqh, vous remarquerez qu'au début de chaque livre, ou dans la plupart des livres, qu'est-ce qu'il y a ? Une introduction dans la croyance. Dans la croyance. Comme on l'a vu dans Kitab al-Risala, hein, ou comme dans Kitab al-Akhdari, hein, pour les Maliki, hein, et autres parmi les kutub dans le fiqh. Car dans ces introductions, il y a quoi ? Al-Tawhid. Il y a l'indication du tawhid al-uluhiyya. Comme vous le savez tous, al-tawhid yanqasimu ala thalathati aqsam. Le tawhid se divise en trois catégories. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma'i wa sifat. Hein? Le tawhid de la seigneurie, le tawhid de l'adoration et le tawhid des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce tawhid, le deuxième tawhid al-uluhiyya, hein, c'est ce même tawhid, ou c'est pour ce tawhid-là que les prophètes et les messagers ont été envoyés. Al-ma'ariq qamat bayna rusul wa aqwamihim bi ajli hadha at-tawhid. Les batailles entre les messagers, les prophètes et leur peuple a été la cause de ce tawhid-là en particulier. Tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibad, tawhid al-ikhlas lillah wahdahu la sharika lah. Ce tawhid qu'on peut appeler tawhid al-uluhiyya, ou tawhid al-ibad, ou tawhid al-ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. لا شريك لك لا أكن نسوسي ومن الخطأ الفاحش أن يقرر أن الأنبياء إنما جاءوا للتوحيد الربوبية كما قال كثير من أهل البدع. Et fait partie des graves erreurs le fait d'affirmer que les messagers ou les prophètes, hein, sont venus pour le توحيد الربوبية. Le tawhid de la seigneurie. Le fait de dire que Allah, c'est lui le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul maître, etc. Comme l'ont prétendu beaucoup des gens de l'innovation. Comme Al-Asha'ira, par exemple. لأنهم لا يهتمون بالتوحيد الألوهية. ترى في كتب الأشاعرة وكتب المعتزلة وكتب الجهمية لا يتكلمون عن توحيد الألوهية. Pourquoi ? Parce que les gens d'innovation ne prêtent pas attention au tawhid al-uluhiyya, au tawhid de divinité. Si tu regardes dans leurs livres, les livres des Asha'ira, hein, la secte des Asha'ira, Inch'Allah on aura le temps un jour dans un cours d'expliquer les différentes sectes, bi'idhnillah, hein. Si tu regardes dans les livres des Mu'tazila, ou les livres des Jahmiya, ces grandes sectes égarées de l'islam, tu remarqueras qu'il ne parle jamais du tawhid al-uluhiyya. Ihtimamuhum innama huwa fi tawhid al-rububiyya. Leur attention est portée sur quoi ? Sur seulement tawhid al-rububiyya. Lihadha tajid fi kutubihim at-tasawwuf والمخلفات وشدة الرحال إلى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الأولياء بل يوجب لذلك ويكفرون من يحرم ويحرم شدة الرحال لزيارة القبور كما فعلوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. C'est pour ça que tu trouves donc dans leur livre At-Tasawwuf, la croyance soufie, où tu trouves toutes sortes d'égarements, comme le fait de permettre la visite des tombes, la visite du prophète de la tombe, ou le fait de voyager dans le but de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de visiter la tombe des awliya, des alliés d'Allah azza wa jalla. Et même ils le rendent obligatoire. Ces gens-là rendent obligatoire le fait de voyager en direction des tombes. Et ils rendent mécréants ceux qui interdisent cela. Comme ils ont fait avec qui? Avec Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Lorsque Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est mort en... Ahsanta, ya akhi. 728, 8e siècle. Cheikh al-Islam était dans une époque remplie d'innovations et des gens d'innovation. Et qui autorisait et qui rendait même obligatoire la le fait de voyager pour une tombe, en direction d'une tombe. Et on ouvre une parenthèse. Vous allez dire, mais Akhi, les gens, ils vont à Médine, ils visitent la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tout ce qu'ils font, c'est haram? La réponse est non. Ou plutôt, la réponse est en détail. Si la personne voyage de son pays et se rend à Médine, avec l'intention première de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ceci est haram, interdit, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Dans un hadith où il a interdit de voyager par adoration, excepté dans trois endroits. La mosquée de Mecca, la mosquée de Médine et la mosquée de l'Aqsa en Jérusalem. Donc la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie de ces trois endroits. Mais si la personne voyage à Médine, de son pays, elle va à Médine, pourquoi? Pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il rentre dans le hadith. Et à ce moment-là, il en profite pour visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, c'est permis. Attention. Encore une fois, niya, l'intention. On voit, c'est l'intention qui compte. Et donc, ils ont rendu mécréant Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah parce qu'il a réfuté cette fausse croyance et cet égarement. Rahimahullah ta'ala. Wa huwa al-farq min ahli sunnah wa ahli al-batil. Hadha al-asl tuhid la ilaha illa Allah. Ma fahimu ma'naha wa la yad'u ilayha. Ainsi est la différence entre les gens de la sunna et les gens du faux. C'est quoi cette différence? C'est Tawhid ou la ilaha illallah. Et les gens du faux, les gens de l'égarement, les gens de l'innovation n'ont pas compris son sens. Ils n'ont pas compris son sens et ils n'ont pas appelé à ce Tawhid-là. Comme certains, ils ont dit que ma ma'na la ilaha illallah. Ma'na la khaliq illallah. Hein? Ou la razaq illallah, par exemple. Certains ont dit le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire pas de créateur excepté Allah. Comme l'a mentionné qui, par exemple, Sayyid Qutb. Hein? Ce penseur égyptien. Hein? Parmi les fondateurs de cette secte Ikhwan al-Muslimin. Et parmi le père de la croyance takfiri de notre époque, qui a, dans ses livres, a expliqué la ilaha illallah par quoi? La khaliqa illallah. Pas de créateur excepté Allah. Et bien sûr, ceci est faux. Le sens de la ilaha illallah, comme va le mentionner ici le Shir, Ou comme l'a mentionné, la ma'bud bi haqqin illallah. La shak la khaliqa illallah. Il n'y a pas de doute qu'il n'y a pas d'autre créateur excepté Allah, c'est sûr. Mais ce n'est pas le sens voulu de la parole la ilaha illallah. Pourquoi ? N'est-ce pas que Quraysh affirmait qu'il n'y avait pas d'autre créateur excepté Allah ? Bien sûr. Est-ce que pour autant il disait la ilaha illallah, il ne disait pas la ilaha illallah ? Pourquoi il ne disait pas la ilaha illallah ? Parce qu'il ne comprenait pas le sens. Non, mais le contraire. Au contraire, il savait ce que ça voulait dire la ilaha illallah. Il savait que ça voulait dire la ma'bud bi haqqin illallah. Et ce n'était pas possible pour eux. Parce qu'eux, ils adoraient autre qu'Allah comme les idoles. Tayyib, al-muhim. On va essayer de ne pas trop s'attarder ici. Mais pour que vous compreniez, incha'Allah ta'ala, hein, ce sujet. Ensuite, il nous dit le shir. فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. Donc le sens de la ilaha illallah, qui est la ma'bud بحق إلا الله, implique du serviteur premièrement de vouer son culte exclusif dans toute sa religion à Allah Azza wa Jal. Premièrement. Deuxièmement, que toutes ses adorations, qu'elles soient apparentes ou cachées, soient réservées à Allah seul. Et troisièmement, qu'il n'associe personne dans toutes les affaires de sa religion à Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا أَصْلُ الدِّينِ جَمِيعَ الرُّسُولُ وَأَتْبَائِهِمْ. Et ça, mes frères et mes sœurs, c'est le fondement de la religion de tous les prophètes et les messagers et de leurs suiveurs. Comme vous savez, mes frères, hein, tous les prophètes et tous les messagers étaient sur l'islam. Hein? Attention, hein? Des musulmans aujourd'hui vont vous dire Moussa était juif, Jésus était chrétien, ils vous disent ça, là. C'est faux. Tous les messagers, tous les prophètes étaient musulmans, muslims, muslimoun. Au sens de quoi ? De soumis à Allah. Hein ? Car l'islam, on peut lui donner deux définitions. Hein ? L'islam au sens général, c'est-à-dire la soumission à Allah Azza wa Jal, qui est spécifique, qui est pour tous les prophètes et les messagers et ceux qui les ont suivis. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi salam. Ensuite, il y a l'islam bimana khas, l'islam a un sens spécifique. Dès que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, alors maintenant l'islam, c'est seulement ceux qui suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un dit moi, je suis Younous. Moi, mon prophète, c'est Younous, je le suis dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Il est musulman ? Là. Younous est musulman ? Naam. Mais celui qui suit Younous à notre époque, il est musulman ? Non. Fahimtoum ? هذا ليس دين النبي صلى الله عليه وسلم وحده. منذ بعث الله الأنبياء والرسل إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم يدعون إلى هذا الأصل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Cette religion du tawhid n'est pas spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt depuis qu'Allah azza wa jalla a envoyé les prophètes et les messagers jusqu'au dernier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, ils appellent tous à ce fondement-là, au tawhid al-uluhiyya. Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran au sens approché, et nous avons certes envoyé, ou certes Allah a envoyé, non, excuse-moi, et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager qui, hein, appelle à adorer Allah et à s'écarter du tarout, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Également le shir, il mentionne, shir Sa'adi, un verset que vous connaissez tous. كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Allah Azza wa Jal mentionne dans le Coran le sens approché, et nous n'avons pas envoyé avant toi un seul messager sans lui avoir révélé qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée excepté moi. Alors adorez-moi. Hein? Ça, c'est la première partie de La ilaha illallah. Wa shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى التوحيد إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته وأنه يجب تقديم محبته على نفسي والولد والناس أجمعين. Ensuite, il mentionne l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. C'est-à-dire que le serviteur a l'ultime conviction, l'intime conviction, la croyance que Allah Azza wa Jalla a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'ensemble des deux mondes. Quand on dit les deux mondes, c'est qui? Al-jin wal-ins. Les humains et les djinns. Bashiran, annonciateur. Wa nadhiran, avertisseur. Il les appelle au tawhid d'Allah Azza wa Jalla. Il les appelle à lui obéir. Il les appelle à rendre véridique ces informations, et il les appelle à obéir à ses ordres, à suivre ses ordres. Voilà pourquoi il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de rectitude dans cette dunya et dans l'akhira, excepté avec la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son adoration et à son obéissance, pardon. Et donc il est obligatoire de mettre notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant toute chose, avant sa propre personne, avant l'amour de son fils ou à l'amour de tous les gens, l'ensemble des gens. Hada shahadatu anna Muhammadan rasulullah. Ta'taqid awwalan annahu rasul wa annahu akramul khalq 'ala Allah wa anna Allah ba'athahu lithaqalayn al-ins wal jinn كلهم وبعثوا للناس كافة الأحمر والأسود والأبيض كما جاء في بعض الروايات. Ceci, mes frères et mes sœurs, c'est le sens de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le message d'Allah. Hein? Tous les jours on dit ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ça veut dire quoi ashhadu anna muhammadar rasulullah? Très peu de personnes peuvent l'expliquer. Ceci est l'attestation. C'est-à-dire qu'on atteste, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, on atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Et on croit, premièrement, qu'il est un messager. Et qu'il est à la créature la plus noble d'Allah Azza wa Jal. Et que Allah l'a envoyé pour les deux mondes, les djinns et les ins, les hommes et les djinns. Et qu'il a été envoyé pour tous les gens. Pourquoi on dit il a été envoyé pour tous les gens? Parce que ceci fait partie de quoi? Des khasaïs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes avant lui ont été envoyés à qui? À leur peuple. À leur peuple uniquement. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tout le monde. Le noir, le blanc, le bronzé, le hein, comme il a été rapporté dans certaines narrations. Dans certaines narrations, il était rapporté hein, le noir, le blanc, le rouge, ni le rouge, ni ce qui est métis. Bashiran, yani yubashiruhum bil janna man ata'ahum. Bashiran, annonciateur. Annonciateur de quoi? Il annonce le paradis à ceux qui lui obéissent. Nadhiran, un avertisseur, il a averti quoi? Min al-iqab wa min al-nar liman asahu wa khalafahu. Il avertit du châtiment et du feu de l'enfer pour celui qui lui désobéit et qui le contredit. Yad'uhu min al-tawhid. وبالتوحيد تتحقق عفوا لهم بالسعادة في الدنيا والآخرة، وبغير التوحيد تكون حياته في الشقاء في الدنيا والآخرة، لأن الكافر في الدنيا يستحق السيف ويستحيل دماءه وماله وعرضه لكفره ولشركه، وأن البشرية لا صلاح لها إلا باتباع الأنبياء والرسل. Et donc, le prophète صلى الله عليه وسلم les appelle au tawhid. Et avec le tawhid s'accomplit quoi? Le bonheur dans cette dunya et dans l'akhira. Et sans le tawhid, la vie sera une misère. Dans la dunya et dans l'akhira. Et l'être humain, il n'y a pas de rectitude pour lui, excepté dans le suivi des prophètes et des messagers. وكما تشهدون الآن المسلمون بعيدون عن دينهم فلما كان الأمر كذلك أصابهم الله عز وجل وصلت عليهم الكفار يقتلهم ويأخذون أموالهم. Comme vous pouvez le voir à notre époque, les musulmans sont loin de leur religion. Et lorsque ceci est apparu, le fait que les musulmans délaissent leur religion et s'écartent de leur religion, ils sont loin de leur religion, alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les mécréants prennent le dessus sur eux et deviennent plus forts qu'eux. وكذلك يجب علينا تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Également, il est obligatoire de mettre en premier notre amour pour le prophète صلى الله عليه وسلم avant toute chose, avant sa propre personne, avant son fils, avant tous les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun de vous ne sera véritablement croyant tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que son père, que son fils et que tous les gens. » Wa kama fil hadith al-akhar thalath man kunna fihi wujida bihinna halawatul iman an yakuna أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث. Également un autre hadith qui vient mentionner ceci, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois choses, celui qui les aura, il aura trouvé la douceur de la foi. Et parmi ces trois choses, le fait que Allah et son messager soient les plus aimés pour lui que n'importe qui. ولما جاء إليه صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال له والله إني أحبك في الله وإني أحبك يا رسول الله إلا نفسي قال لا يا عمر ثم قال عمر أحبك أحبك أكثر من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Également, ce qui vient prouver ceci, lorsque Omar est venu le voir, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui est mort quand? 23. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ya Rasulallah, je t'aime. » Il a dit « Je t'aime le plus, excepté ma propre personne. » Il a dit « Je m'aime plus, et après c'est toi. » Alors le prophète a dit « Non, ya Omar. » Non. Alors Omar après lui a dit Ya Rasulallah, je t'aime plus et encore plus que ma propre personne. Et Omar lui dit maintenant Ya Omar. Il dit maintenant tu es sur la bonne voie. Donc on doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que notre propre personne. Plus que n'importe quelle personne sur cette terre. Voyez. Et il termine ici cette introduction dans l'aqida et il dit wa anna Allah أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. Et Allah l'a confirmé. A confirmé qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des miracles qui indiquent son message. Et lui a donné des sciences parfaites, un comportement exemplaire ou un très haut comportement. Et il a regroupé dans sa religion, l'a guidé et la miséricorde et la vérité et les intérêts de la religion et de la vie mondaine. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, yahmakallah, lui a donné des mu'jizat ou des ayat. Généralement, dans les textes, on trouve marqué ayat, c'est-à-dire des signes. Et yajouz, on dit des mu'jizat, des miracles. Allah a donné des miracles au prophète sallallahu alayhi wa sallam, très nombreux. Des livres ont été écrits que sur les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on va le voir après, le plus grand miracle c'est quoi? Al-Qur'an. C'est le plus grand des miracles, on va l'expliquer après. Il a eu d'autres miracles. Lorsque la lune s'est fendue en deux. Lorsque Quraysh a dit, Ya Rasulallah, Ya Muhammad, montre-nous un signe si tu es vraiment le message d'Allah. Alors il dit, regardez la lune. Elle s'est fendue en deux. Et ils ont dit quoi? Hada sihrun mubin. Ils ont dit c'est certes une magie évidente. Ou alors lorsque les compagnons étaient assoiffés, qu'est-ce qui s'est passé? De l'eau est sortie entre les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar. De l'eau, de la véritable eau est sortie entre les phalanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un miracle d'Allah azza wa jal. Les miracles sont très nombreux. Et c'est ce qu'on appelle al-dala'il al-nubuwa. C'est-à-dire ces miracles qui indiquent la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulémas ont écrit des livres là-dessus, notamment Ibn Nu'aym, Abi Nu'aym, également Al-Bayhaqi, ils ont tous écrit dedans, rahimahumullahu ajma'in. Al-muhim, il termine ici, le shir dit wa ayatuhu al-kubra hadha al-Qur'an al-azim bima fihi min al-haq fi al-akhbar wal-amr wal-nahyi wallahu a'lam. Il dit le plus grand de ces signes, le plus grand de ces miracles, c'est le Coran sublime, dans lequel il y a la vérité, la vérité dans les informations et dans l'ordre et dans les interdits, et Allah est certes le plus savant. وَلِهَذَا عَجَزَ قُرَيْشَ أَن تَأْتِيَ بِمِثْلِهِ ثُمَّ بِعَشْرِ سُوَرٍ فَعَجَزُوا ثُمَّ بِسُورَةٍ فَعَجَزُوا ثُمَّ بِآيَةٍ فَعَجَزُوا ما استطاعوا أن يعارض هذا القرآن وهم أهل اللغة أهل الفصاحة وكانوا يقولون الأشعار التي تعلق وتكتب بالذهب وتعلق على الكعبة كالمعلقات السبع كانت أجمل ما وجدوا في شعر العرب فلما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا ليس كلام البشر لكنهم عاندوا وكابروا. Et donc, Quraysh ont été empêchés de venir avec quelque chose de semblable au Coran. Lorsque Allah les a mis à l'épreuve, venez avec 10 sourates semblables au Coran. Ils n'ont pas pu le faire. Venez avec une seule sourate semblable au Coran. Ils n'ont pas pu le faire. Venez avec un seul verset semblable au Coran. Ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas réussi à contredire ce Coran, malgré le fait que c'était les gens de la langue arabe. Ils parlaient un arabe pur. C'était les gens de l'éloquence dans la langue arabe. À tel point qu'ils étaient connus dans le monde pour leur éloquence et pour leur prouesse dans les poésies, dans les poèmes arabes. À tel point qu'ils écrivaient ces poèmes qu'ils mettaient ou qu'il prononçait avec de l'or et il les accrochait à la Kaaba. tellement qu'ils étaient connus pour leur éloquence et leur maîtrise de la langue arabe. Malgré ceci, ils ont été incapables de venir avec un verset semblable au Coran. Et quand ils ont entendu le Coran, ils ont su que ceci n'était pas la parole d'un être humain. Malgré ceci, ils ont rejeté, ils sont enflés d'orgueil et ils n'ont pas cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولهذا لما جاء مسيلمة الكذاب زعم أن عنده قرآن يقول هذا القرآن جاءني من الله فليقرأ مثلا وفليقرأه فيضحكون عليه حتى الذين اتبعوه وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا يضحكون من هذا القرآن قالوا هذا كلام مسيلمة ليس قرآن مثلا كان يقول الفيل وما أدرك الفيل الفيل وما أدرك ما الفيل له ذنب وبيل خلتومه طويل إلى آخره. Et lorsqu'est venu cet imposteur Musaylama le menteur qui a vécu à l'époque du prophète sallam et qui est mort pendant le califat de Abu Bakr radiallahu anhu. Musaylama le menteur a prétendu qu'il avait un Coran. Il a prétendu qu'il avait quelque chose que Allah lui avait donné et qui était le Coran. Mais les gens, quand ils l'ont entendu, ils ont rigolé sur lui. Même ceux qui le suivaient, parce qu'il avait des suiveurs, lorsqu'ils entendaient Musaylama réciter ce prétendu Coran, ils rigolaient sur lui. Alors qu'eux, ils croyaient en Mohammed, ils croyaient en Musaylama. Mais ils ont dit, mais ça, c'est pas le Coran, ça, c'est la parole de Musaylama. Et ils ont mentionné, parce qu'il y a certains textes qui ont mentionné ce que lui, il avait rapporté, comme par exemple, regardez, il disait, Al-Fil, l'éléphant. Wa ma adraka ma al-fil. Et qu'est-ce qu'il te dira, qu'est-ce que l'éléphant Là où Dhambun Wabil, il a une queue dévastatrice. Wa khultumuhu tawil. Et ses défenses sont longues. Il a voulu essayer de prendre le ousloub du Coran. Et il est venu avec ces bêtises-là. Allah al-Musta'an. Et Musaylama fait partie des menteurs, de ceux qui ont prétendu la prophétie. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dénoncé. Et avait annoncé et averti les gens. Il y a un hadith rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique dans le Bukhari ou un muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bainama ana na'im, ra'aytu fi yadi sawarin min dhahab, fa'ahammani sha'nuhuma, fa'uhiya ilayya fil manam, an anfukhahuma, fa'nafakhtuhuma, fa'taran, fa'awwaltuhuma kathabain. » يخرجان من بعدي فكان احدهما العنسي والاخر مسيلمة الكذاب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, comme il est rapporté dans Al-Bukhari Muslim, il a dit: alors que j'étais en train de dormir, j'ai vu dans ma main deux bracelets en or. Et donc j'ai été intrigué par cela. Pourquoi? Parce que l'or, il est interdit aux hommes. Les bracelets et l'or est interdit aux hommes. Alors, pendant qu'il était en train de dormir, Allah lui a révélé de souffler dessus. Il a soufflé dessus, elles se sont envolées. Et son rêve a été interprété que ces deux bracelets représentaient quoi ? Deux menteurs. Deux menteurs qui allaient venir après lui. D'accord ? Et un d'eux, c'était qui ? Al-Ansi. Un homme qui s'appelle Al-Ansi qui a été tué au Yémen ensuite par la suite, et Musaylama Al-Kadhab qui a été tué aussi lors de la bataille de Ar-Ridda sous le califat de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Naam. Et avec ça on termine donc l'introduction dans Al-Aqida que l'auteur a fait et qui est l'habitude des fuqaha, des savants du fiqh, de commencer leur livre de fiqh avec une introduction dans l'aqida. Il reste combien de temps là ? 6. On commence, Inch'Allah, bi-idhnillah. On commence. Faslun. Oh, t'as marqué fas, toi? Non. Taïb. Filmiya, c'est ça? Filmiya. Faslun, filmiya. Un chapitre des eaux. Des eaux. E-A-U-X. Pas O-S. Hein. E-A-U-X. Il nous dit, Cheikh Al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, wa amma salatu. فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة. Donc il commence ici maintenant la partie du fiqh. Et il dit, quant à la prière, elle a des conditions qui précèdent, qui la précèdent. Hein, des conditions qui la précèdent. Parmi ces conditions, الطهارة, la purification. لماذا تكلم العلماء عن الطهارة في الفقه؟ لأنها من شروط الصلاة. Pourquoi les savants, lorsqu'ils parlent du fiqh, ils parlent de la purification? Parce qu'elle fait partie des conditions de la prière. Et même plus, elle est la plus grande condition dans la prière. فَإِنَّهُ سَيَتَكَلَّمْ عَنِ التَّهَارَ وَالتَّهَارَ تَحْتَاجِ لَمِّيَا. Et donc, l'auteur va parler de la purification. Et pour se purifier, on a besoin de quoi? D'eau. وَإِذَا قَالَ قَائِلْ أَلَيْسَ الصَّلَاةَ أَعْظَمَ الْأَحْكَامِ فَلِمَاذَا لَا يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ. Et si quelqu'un demande, n'est-ce pas que la plus grande des adorations, c'est la prière? Pourquoi l'auteur ne commence pas donc avec la prière? يُبْدَأُ بِالصَّلَاةِ بِشُرُوتِهَا وَمِنْ شُرُوتِهَا أَتْتَهَارَةِ وَلِلْتَهَارَةِ تَحْتَاجَ الْكَلَامِ عَنِ الْمِيَاءِ كُلُّ هَذَا مُقَدَّمَاتِ لِلصَّلَاةِ وَمُقَدِّمَاتِ لِلصَّلَاةِ. Et donc, on commence avec la prière. On commence la prière avec quoi? Avec ses conditions. Et parmi ces conditions, donc la purification. Et pour parler de la purification, on a besoin de parler de quoi? De l'eau. Donc voilà pourquoi il commence une introduction à la prière avec le chapitre de la purification et notamment le sous-chapitre de l'eau. ويريد أن يقول أن هذا هو الدليل أن الطهارة شرط من شروط الصلاة. وجاهف بعد j'ai pas lu la parole de Cheikh Saadi Afan. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والحديث رواه البخاري ومسلم. Ensuite, donc il dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas une prière sans purification. Naam. Donc ici, il veut nous dire, c'est quoi la preuve de la purification? Que c'est une condition des conditions de la prière. Wa fi ba'd riwayat la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Et dans certaines versions du hadith, Allah n'accepte pas la prière d'un d'entre vous s'il perd ses ablutions jusqu'à qu'il fait les ablutions. La yaqbal yani bi shart la bud ta'ti bihi in la ta'ti bihi saqat al-amal. Quand on dit « il n'accepte pas », c'est-à-dire c'est une condition. Il est obligé que tu le fasses. Et si tu ne le fais pas, alors l'œuvre, elle est annulée. « Al-shart yakoun fi khalij al-amal »« Wal-rukn yakoun fi dakhilihi »« Wa kilahuma idha saqata saqata al-amal »« Yajtami'ana fi hadha » La condition, mes frères, dans n'importe quelle œuvre, elle est quand? Avant cette œuvre. La condition, c'est quand? C'est avant l'œuvre. Alors qu'un pilier, c'est quand le pilier? C'est pendant l'œuvre. Si on dit condition de la prière, c'est avant la prière. Si je dis le pilier de la prière, c'est pendant la prière. Si je dis condition des ablutions, c'est avant les ablutions. Si je dis pilier des ablutions, c'est pendant. Et ces deux choses, les conditions et les piliers, s'il en manque un, l'œuvre, elle est annulée. D'accord ? لابد من وجودها مثل مثلا إذا صليت بدون وضوء صلاتك باطلة هذا في شرط وفي الركن إذا صليت بدون ركوع صلاتك باطلة par exemple si je prie sans les ablutions ma prière est annulée ça c'est dans les conditions et par exemple dans les piliers si je prie sans faire ركوع sans m'incliner ma prière elle est باطلة annulée d'accord بخلاف الواجب الواجب قد يكون داخل العمل وقد يكون خارج العمل وبسقوطه لا يسقط العمل كالذي مثلا ينسى التشهد الأول وهو واجب من وجوب من واجبات الصلاة لو نسيته صلاتك صحيحة لكن عليك أن تأتي بالسجود السهوي au contraire de quoi de l'obligation l'obligation elle peut être pendant la prière ou avant la prière ou plutôt excusez-moi l'obligation peut être dans l'œuvre ou en dehors de l'œuvre là on parle de façon générale pas que la prière s'il manque l'obligation l'œuvre n'est pas forcément annulée un exemple si tu oublies le premier tashahhud dans la prière le premier tashahhud fait partie des obligations alors ta prière n'est pas annulée ta prière est valide mais à condition que quoi qu'à la fin tu fasses les prosternations de distraction, ce qu'on appelle sujoud sahwi. Fahimtoum ? Hein ? Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on continuera la semaine prochaine, hein. Marquez bien là où on s'arrête. Jazakumullahu khairan, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum.